Kim Yong-nam, président du Présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, en visite officielle en Guinée équatoriale, a rencontré le 22 Vicente Eatetomi, premier ministre équato-guinéen, qui lui a rendu une visite protocolaire. Le chef de la délégation coréenne lui a transmis respectueusement les salutations du camarade Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, premier président du Comité de la Défense nationale de la République populaire démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée populaire de Corée. Le premier ministre équato-guinéen a exprimé la profonde reconnaissance au nom du président Obiang Nguema Mubasogo et de sa part pour avoir envoyé le président du Présidium de l'Assemblée populaire suprême à la cérémonie de prise de fonction du président équato-guinéen. Exprimant la satisfaction à l'élection de son Excellence M. Kim Jong-un au poste de président du Parti du Travail de Corée lors de son 7e congrès, il a souhaité de plus grands succès au peuple coréen dans l'édification d'une puissance socialiste sous la direction du Parti du Travail. Le même jour, Kim Yong-nam a rencontré la présidente de la Chambre haute équato-guinéenne, Teresa Epua Asangonon.